Au sport. Dans la Ligue de soccer Benjamin masculine division 2, Louis-Saint-Laurent affronte le Salésien au Salésien le 16 avril à 17h30.